Bonsoir, et chers amateurs de musique rock progressif, et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté au choix musical, à la mise en onde, et Marc Chaunet à l'animation, pour un 2 heures de bon rock progressif avec plusieurs. Bruno nous a concocté, comme d'habitude, un bon choix musical, plusieurs coups de cœur de 2018 tout au long de l'émission. D'autres très bons rock progressifs. On va débuter avec All Traps on Earth, tiré de leur premier album, A Drop of Light. C'est le groupe de Johan Brann qui était dans Angla Gord. Et on écoutera la superbe pièce All Traps on Earth. Et également, on a Regal Worm, Pig Views, et la pièce de Dreaded Lurg. We'll be right back.

Le Radiothon de CKRL, c'est les 29, 30 et 31 mars prochains. L'objectif est de 42 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Faites un don de 20 $ et plus avant le 29 mars 17h et courez la chance de gagner le prix culturel Pré-Radiothon offert par la Caisse d'économie solidaire Desjardins, comprenant 4 billets pour le concert de la série Apéro, l'heure est grave, 2 billets pour la pièce Les choristes et 2 billets pour le spectacle de Tire le coyote. Vous voulez faire un don? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 418-640-2575 poste 201 ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. La Korrigan se met en mode impro tous les dimanches soirs. Assistez au match de la 19e saison de la GIF en bonne compagnie. Venez rire aux éclats, huer l'impitoyable arbitre, voter pour vos équipes favorites et déguster une succulente bière de microbrasserie. L'école bleue, les Esties, l'armée rouge et le géant ont mille histoires à vous raconter. Entrée gratuite, contribution volontaire appréciée. La GIF, de l'impro bonne pour la santé. Tous les dimanches 20h à la Korrigan. Cette semaine au Dauteuil, jusqu'à mercredi, on découvre avec plaisir les vitrines rideaux et le Fuck Off. Quelques billets encore disponibles à la porte. Jeudi, le comité vous fera danser avec un répertoire des plus variés allant des Beatles aux Black Keys en passant par Beyoncé. Gratuit pour les étudiants. Vendredi, Jérôme Casabon en formule chansonnier vous transporte dans l'univers de plusieurs artistes de différents styles et époques. Samedi, pour la première fois à Québec, le groupe torontois Idiotic, en hommage à Radiohead, présente en collaboration avec Mode Collective In Rainbows dans son intégralité. Tous les dimanches, c'est le rendez-vous des mélomanes et des amateurs d'expérimentation musicale sur la plus grande scène en ville. Les Open Jam du dimanche au Dauteuil deviendront mémorables grâce à vous. Le Dauteuil, 228 Saint-Joseph-Est. Détails sur ledauteuil.ca. Juste avant la pause, on écoutait Regal Worm. C'est leur troisième album, Peak Views, paru en 2018. Et c'était la pièce de Dreaded Lurg. Et on avait débuté avec All Traps on Earth, qui ces deux disques-là se sont retrouvés dans les listes là, de plusieurs amateurs, dont All Traps on Earth qui s'est retrouvé même en tête de palmarès pour ce que les amateurs de Terra Incognita nous avaient soumis, et également sur des sites spécialisés dans le style rock progressif comme Prog Archives par exemple, pour ne pas le nommer, un groupe, en fait c'est un site qui est tenu par des Québécois. Bon, alors on poursuit en musique. Ah, ben, je vais vous parler un peu des spectacles qui s'en viennent. Ne pas manquer évidemment les 17, 18 et 19 mai prochains, le festival Terra Incognita, 15e édition, avec des groupes de la Norvège tels Oak et Bjorn Riis, également Airbag. Il y a le groupe américain Iz qui viendra présenter un nouvel album. Ça sera un lancement d'album, donc pour Iz, qui sont extraordinaires en spectacle. Il y aura le groupe italien Basta. Ça, c'est la première fois qu'ils viendront au Canada. Et bien, vous savez que le festival Terra Incognita, c'est le seul festival de rock progressif au Canada. Et plusieurs artistes, c'est leur première présence d'ailleurs au pays quand ils viennent à Terra Incognita. Et ça sera le cas de Basta, un jeune groupe italien qu'on découvrira. Également, on découvrira un groupe italien qui roule depuis longtemps, Finistère. Et justement, ils sont en train de réenregistrer, ou ils ont déjà en fait réenregistré un de leur premier album, et ils nous présenteront ça évidemment en spectacle Finistère le 19 mai prochain. Il y aura également le groupe américain Fido, hein, qui est de retour après 7 ans avec le nouvel album Infernal, qui est un des meilleurs albums également de 2018. Et également le groupe de Montréal Inner Space qui sera là. Alors les billets sont en vente au Centre d'art La Chapelle, et vous pouvez aller faire un tour sur notre site d'ailleurs pour voir les détails sur le festival. Et également ce qu'on fait jouer, le titre des pièces, l'accès au podcast qui sont là depuis les au moins 5 dernières années de podcast disponibles à partir de la page radio et radio archive. Alors on y va maintenant en musique avec un bloc composé de l'artiste Simon House, tiré de Spiral Galaxy Revisited, et également le groupe italien Logos, tiré de l'album L'Enigma della Vita. Le Radiothon de CKRL, c'est les 29, 30 et 31 mars prochains. L'objectif est de 42 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Devenez membre au coût de 25 $ avant le 29 mars à 17 h et courez la chance de gagner le prix loisir d'une valeur de 150 $ de la boutique Le Pédalier. Vous voulez devenir membre? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 88-640-2575 poste 201 ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. It's a hard rain, they're gonna fall. Depuis plus de 50 ans, Bob Dylan incarne le folk d'Amérique dans toute sa grandeur. Je vous invite à le découvrir sous toutes ses paroles, quatre émissions durant, en compagnie d'un connaisseur passionné, Pierre Sarteau-Blanchard, les mardis 26 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril, à 19h30, bien sûr à l'émission Folk d'Amérique, animée par moi-même, Gilles Chaumel, sur les ondes de CKRL. And it's a hard rains are gonna fall. En février, voyez au cinéma Le Clap, Une colonie, dès le 1er février, Mon ami Walid, dès le 8 février, Astérix, le secret de la potion magique, dès le 15 février, Dragon, le monde caché, dès le 22 février. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! De retour, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était le groupe italien Logos, tiré de l'album L'Enigma della Vita. Et juste avant, Simon House. Ça, c'est un album qui était paru au départ en vinyle en 2000, qui a été réédité en 2005 en version CD. C'est sur c'est l'étiquette Black Widow, une étiquette italienne qui se spécialise dans la musique progressive aux accents des années 70. Alors, on poursuit en musique avec beau bloc, un groupe américain, Eccentric Orbit, tiré de leur plus récent, Creation of the Humanoid, celui est de 2004, il me semble, et le Ring Van Mobius, le premier album, ça c'est paru en 2018, Past the Evening Sun, celui-là aussi, c'est bien classé dans les palmarès, c'est un des coups de cœur de plusieurs, dont Bruno, pour 2018, Racing the Horizon, ce sera la pièce. Alors, on y va tout de suite. Oh, ben, je voulais vous parler un peu des spectacles qui s'en viennent. Ce soir, il y avait le Mick Pointer Band. Hein. Les gens sont... On les salue, ceux qui nous écouteront en différé. Mais il y a Alan Parsons qui s'en vient le 26 février au Grand Théâtre, The Flower King, le 1er mars à la salle Jean-Paul Tardy, Mystery et Frost le 22 à mars à la salle Jean-Paul Tardy aussi, et le 30 mars Arena. Alors on y va en musique tout de suite avec Eccentric Orbit et Ring Van Mobius. We'll be right back.

vibrations I am seeing are speaking to my soul. A monologue in silence, observing it. Yeah.

Yeah. Sur la musique du groupe Amplifier que se termine l'émission Terra Incognita en ce 23 février 2019. C'était Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical, et Marc Chaunet. Restez avec nous pour l'autoroute dans quelques minutes avec Stéphane Villeneuve. On vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.